Adepti e adepte, possiamo incominciare un'altra Radio Roma. Sugli social. Podcastesimo, Colacco, Un'altra Radio Roma. Nuova religione, il podcastesimo. Podcastesimo. C'è il podcastesimo. Un'altra Radio Roma. Podcastista. Un podcastista. Podcastesimo. Un'altra Radio Roma. Signore Santissimo Podcast della regione del podcastesimo. Ci avevano fermato, ragazzi, ma il podcastismo va avanti, un'altra Radio Roma. Si dissocia. Podcastista, un podcastista, un'altra Radio Roma. Si dissocia. Un'altra Radio Roma. Podcastismo, nuova religione, il podcastismo. Una religione e un movimento. Si dissocia. Io sento squillare qualcosa, già ci sono venuti a piazza. No, no, segretini. Eccolo di nuovo qui il vostro Mr. Bruntolo. Era sparito da un pezzetto, ma lui è tornato. È tornato con una sua nuova idea e si avvicina a un genere che lui trova personalmente un pochino ostico, perché lo passa molto poco questo genere, e soprattutto lo dedica ai cuginetti d'Oltrealpe. Il genere in questione oggi è il rap. Ma non un rap qualsiasi, bensì, come ho già detto, il rap francese. Siccome ho preparato per voi una tracklist lunga, non intendo interrompere con la mia voce la tracklist, ma ce la berremo tutta di un fiato, escluso per il fatto che farò una breve introduzione, che liberamente ho scaricato da Wikipedia, me la sono letta e ho preso i concetti più importanti riguardanti il rap. Quindi eccolo pronto in tonso per voi, Mr. Bruntolo, che va a leggere. Il rap è uno stile musicale sorto negli Stati Uniti verso la fine degli anni 60 e diventato parte di spicco della cultura moderna. Il termine è stato inventato dal cantante Joe Tex. Il rap è componente vocale della cultura hip hop e consiste essenzialmente nel parlare seguendo un certo ritmo. Questa tecnica vocale è eseguita da un MC, mentre il DJ accompagna l'MC. Insieme agli stili di ballo hip hop, specie la breakdance e graffiti writing, rapping e DJing sono tra i quattro elementi della cultura hip hop, nata presso la comunità afroamericana e latinoamericana di New York nei primi anni 70, come riadattamento americano del DJ style, uno stile di reggae giamaicano ritenuto principale precursore di questo genere. Tipicamente il rap consiste di una sequenza di versi molto ritmati, incentrati su tecniche come rime baciate e assonanze. Chi scandisce tali versi, cioè il rapper, lo fa usando una successione di note beat suonata da un DJ e fornita da un produttore o più strumentisti. Questo beat è spesso creato usando un campionamento percussionistico di un'altra canzone, generalmente funk o soul. Inoltre molti altri suoni sono stati di frequente campionati, suonati con un sintetizzatore e una drum machine, oppure creati con strumenti veri. I testi delle canzoni affrontano per lo più tematiche a sfondo sociale, ma talvolta parlano anche d'amore. A partire dai primi anni 90, l'hip hop è diventato parte di molte classifiche musicali ed oggi è diffuso in tutto il mondo, in vari stili. Sebbene questo genere musicale abbia varcato i confini delle produzioni underground per diventare di forte successo commerciale con artisti come Tupac e Notorious B.I.G., oppure Eminem, per citarne alcuni, negli Stati Uniti rimane vasta e fortissima la presenza di produzioni indipendenti. Ciò dimostra come il rap sia un fenomeno musicale, ma soprattutto una componente di una cultura ormai radicata all'interno del territorio statunitense. Questo genere si divide in varie correnti, tra cui il gangsta rap, il Christian hip hop, il G-funk, l'alternative rap e l'hardcore rap, e altri sottogeneri ancora. Per poter rappare, a differenza degli altri generi musicali, non è necessario possedere una voce eccellente. Molte canzoni rap assomigliano a degli scioglilingua parlati molto velocemente. Un po' di storia. Uno dei primi fenomeni musicali afroamericani furono il gospel e gli spiritual, che erano canti consolatori di ispirazione cristiana. I testi delle canzoni spirituali trattavano argomenti presi dalla Bibbia, con un intento di medesimazione delle vicende di Gesù e degli ebrei, in modo da poterne trarre consolazione e forza di sopportazione. Quindi nacque anche il blues, da cui prende il nome Blue Notes, la scala musicale utilizzata nell'uso dei vari strumenti. Gli argomenti dei blues, più nostalgici e tristi, come testimonia la radice del nome, blu nostalgico. Dalla fusione tra jazz e blues nacque poi il boogie-woogie. Esso fu introdotto da alcuni pianisti blues come Pintop, che fu il primo musicista di colore a registrare le proprie canzoni su un disco. Uno dei più importanti compositori di Boogie Woogie fu il trombettista cantante, sentite, Louis Armstrong. Se si ascolta una canzone di Armstrong, si nota che spesso canta sillabe senza sensi e libertà, che servono ad imitare i suoni del suo strumento, una prassi che ha il nome di scat. Molto vicino al Boogie Woogie è il soul, un altro genere musicale nero molto simile al blues. L'unica differenza è nel fatto che nel soul si tratta maggiormente temi sentimentali. Giunti al soul, si è a un passo dall'arrivare al rap e al rhythm and blues. Infatti nei quartieri neri si comincia a cantare un genere con influenze blues e swing. Questo genere viene chiamato rhythm and blues, più comunemente R&B. Negli anni 90, nei ghetti americani ci fu una forte ondata di malavita, caratterizzata da omicidi, lotte fra bande, spaccio di droga e criminalità. Inoltre, a causa delle varie rivoluzioni, si ebbe un afflusso nei ghetti di persone provenienti da Porto Rico, Cuba, Messico, Colombia e Perù e altri paesi sudamericani. In particolar modo, i portoricani introdussero la moda di scrivere sui muri con bombolette spray. Fu così che nacque l'arte chiamata writing, volgarmente meglio conosciuta come arte di graffiti o graffitismo. Le principali ere storiche dell'hip hop rap sono quelle dell'old school hip hop 70-85, dagli esordi al debutto del mainstream, e quelle del golden age hip hop 85-93, in cui iniziarono a riscuotere successi sia i movimenti East Coast che quelli West Coast. Allora cominciò anche la storia moderna del genere, con la nascita di gangsta rap e G-Funk di derivazione West Coast. Gli anni 93 ad oggi riguardano hardcore, hip hop, bling bling e gli stili underground, i successi in ambito mainstream che differiscono in larga parte dall'hip hop moderno. Nei primi anni 90, presso le feste di strada di New York, personaggi come DJ Kool Herc cominciarono a campionare e separare le sezioni ritmiche di vari brani di generi come funk, soul, R&B e disco music. Le radici di queste canzoni risalgono a metà degli anni 90, quando il celebre cantante e compositore James Brown citò Little Richard e la sua band tra i primi a praticare il funk su basi rock. Siffatti brani furono usati per il breakbeats dai DJ. Questi facevano ballare la gente ai party, nei giardini pubblici o lungo le spiagge, semplicemente esibendosi con il loro DJ set e mixando basi e dischi. Con l'aumento di popolarità di questa musica, i cantanti iniziarono a parlare sui ritmi campionati e divennero noti come MC, abbreviazione di Master Ceremonious. Essi avevano una rima facciale e la capacità di seguire il DJ anche durante i passaggi più impegnativi, utilizzando le proprie abilità liriche sulle parti non cantate dei dischi. Il primo ruolo dell'MC era quello di introdurre il DJ e la sua musica e di attirare l'attenzione del pubblico. Gli MC iniziarono a introdurre frasi non cantate nelle canzoni, ad invitare appunto l'audience a ballare e a salutare gli spettatori, ma anche a pronunciare giochi di parole e aneddoti. Alla fine questa pratica si affinò e divenne nota come rapping. Tutto ciò non aveva però il benché minimo peso discografico, trattandosi di improvvisazioni, non di prodotti confezionati in studio. L'uscita del disco della Sugar Hill

vent en masse, une vie de pauvre pour 14 euros. Au risque de paraître au jeu des autres onéreux. Un poste, des écouteurs et je te fais ma tape. Avec les moyens d'un éboueur et le savoir-faire d'un punk. T'inquiète, je pratique la technique des 5 days. Démerde-toi, je me dois de Sunday. L'artistique du matériel à bord, le charisme du score, la qualité, le niveau ou l'envie d'abord. Pour ça, je me plains. Mes textes sonnent mes plays. Si tu comprends pas, fais stop et t'as pris play. Assez vite, avant que DF coupe mon couplet. Ice is strict, comme Isaïe en mode JPEG. Je mise tout sur la gomme, le crayon grippe à la forme. Sur la force de mon génome, a créé son propre pétrole. A fusionné avec l'hyperactivité de mes neurones qui perdent souvent la gravité. Je viens à couteau tiré, pourquoi faire au poteau les pronostics faits, mais s'il y a rien. Hors du créneau, je suis frais, le primeur engagé monte son échafaudage, mais sûr de rien. J'ai la flamme, pas la femme, pas l'inspi qui fane. J'écris même si l'halogène n'étant pas, on a la flamme, pas la veille, nos craintes et nos âmes. Assez de choc frontal pour leur coller du mandat. J'ai la flamme, pas la femme, pas l'inspi qui fane. J'écris même si l'halogène n'étant pas, on a la flamme, pas la veille, nos craintes et nos âmes. Assez de choc frontal pour leur coller du mandat. En ton cas, on produit nos plastiqués. Pochettes en cellophane dans les commissariats sous scellé. Ils m'ont pris pour un fan de ces vues. Mon traité de mélomane, j'ai rappé. Les gens sont fêlés. Le pacifiste qui vient pour plastiquer. À la fella, du haut en bas la société. Des scélérats, à l'Elysée faut pacifier. Mon son de toca entonnera jusqu'au dernier. 4 ans, mon écriture gardant. Mais si tu écoutes, t'es forcément consentant. Condescendant, avant qu'on s'entende, commence par te détendre. Les chakras s'ouvrent, crache pas dans la tente. Ta discipline doit être ton temple. Ta pénicilline, la volonté du mic au ventre. Ton insuline, c'est CD, cassette et vinyle. Et quand tu trimes, rabaisse ton insolence. Sors ta plume du fourreau, des sentiers battus chauds. De ces échauffourées qui t'amènent à rien. 3 mètres carrés de studio, tes carrés studieux. De la zik amoureux qui t'a à avoir rien. T'as la flamme, pas la femme, pas l'inspi qui fane. T'écris même si l'halogène t'en pas. On a la flamme, pas la paye, nos craintes et nos âmes. Assez de condiments pour leur coller du mandat. T'as la flamme, pas la femme, pas l'inspi qui fane. T'écris même si l'halogène n'étant pas. On a la flamme, pas la veille, nos craintes et nos âmes. Assez de condiments pour leur coller du mandal. Coller du mandal, coller du mandal. Coller du mandal. Hey, est-ce que tu connais l'âme que l'on âme zoom? C'est l'âme que l'on âme zoom, zoom. Qui va t'enflammer, qui va t'enflammer. Zoom à la femme, c'est l'âme que l'on âme zoom, zoom. Qui va t'enflammer, qui va t'enflammer. Zoom à la femme, c'est l'homme que l'on aime, zoom, zoom. Qui va t'enflammer, qui va t'enflammer. Zoom à la femme, c'est l'homme que l'on aime, zoom, zoom. Qui va t'enflammer, qui va t'enflammer. Yeah, big, big, big, big respect à tous ceux qui font de la musique de pro. Voici notre concept. Qui va t'enflammer, qui va t'enflammer. Qu'est-ce que dit spécial pour Sandra, des piparous toutes. Qui va t'enflammer, qui va t'enflammer. Pour Airbus ou pas sound, DJ Little Q, ni DJ Vlad, Airbus. Qui va t'enflammer, qui va t'enflammer. Et un salam pour insurrection et qui est anonymal, animal. Et dame dit. Qui va t'enflammer, qui va t'enflammer. Et yo à toi my man, Isaïe ou Zahir, on est dans la même galère. Manuel ou Zahir. Qui va t'enflammer, qui va t'enflammer. Zoom à la flamme, c'est l'homme que l'on nomme zoom, zoom. Qui va t'enflammer, qui va t'enflammer. Zoom à la flamme, c'est l'homme que l'on nomme zoom, zoom. Qui va t'enflammer, qui va t'enflammer. Zoom à la flamme, c'est l'homme que l'on nomme zoom, zoom. Qui va t'enflammer, qui va thank you. Pour tout ça, trip qui n'y a fait, trip qui n'y a fouet, trip qui n'y a sav, trip qui n'y bref, quand but a dit, vous dis moi que ça moun qu'a tombé dans l'ennui, un Nicolas ou les garçons qu'a cherché en butin pour faire. Nous disons la table de passer à rien, crier yon feyant, toujours qu'à parler des systèmes qu'a senti yon oppressé, mais est-ce ou j'agis que yon pressé pour porter mon nef, garçon ni des bras, des gens mon tête, porter mon nef, on dit bon chance toujours ni la santé, porter mon nef, ni ça pas ni tout ça, et yon même qu'à porter mon nef, son yon money, en plus ni money, mais pas ça, stop, mauvais money. Jalousie quand les autres envient ça d'autres moun ni ouais. Sans même ça j'en yo si pour ça. Pas qu'à vrai pion qui pousse si fait yo. Tous c'est l'argent azote, énergie azote, tension azote. Il n'y a des pièges qui douce. Je souhaite briser de l'eau, mais il n'y a tellement sous. Je suis fait freiner, mais il n'y a tellement cool. Ces hommes pas débroussailler style là, il n'y a tellement boost. Vous savez qu'elle live pour ni sec, elle fait tellement boost. C'est 110 sans combine, elle fait tel ou tellement boost. Même les soleils qu'a couché, on pas qu'à dormir. Troisième vie toujours mauvais, les filles là toujours pas taf. Pas sav sans ni pour faire, mais pas elle qui redécise la cagadere la katoune. Mais le soleil qu'a couché, sans pas qu'à dormir. Troisième vie toujours mauvais, l'esprit là toujours cataf. Pas sav sans ni pour faire, mais pas elle qui redécise la cagadere la katoune. On pas sav qu'elle fait yo, fait si la tête a tourné volé. Parce qu'elle yo pas ni l'habitude forcée, pour traffer sa yo ni, et sa yo cani. C'est ça on dote qui est pour nous, mais quand on veut faire c'est qu'on s'en sape à faire ça qui ni noisette. Pas ni dents, ça finit dans pas ni noisette. Du 5 à tracer tout droit qui pas ni temps. On pas sav qu'elle fait yo. Payant si la tête a tourné volé. Parce que yo pas ni l'habitude forcée. Pour traper sa yo ni et sa yo cani. C'est ça on dote pour ni. Mais quand on veut faire c'est gros ça sa cafette. Ça finit noisette, pas ni dents. Ça finit dans pas ni noisette. J'ai ni sa tâton famille à yo mort. Pour traper yo case, on vit tes gros sa garçon. On ka continue, fais ça fait yon moins. Même les soleils qu'a couché, on pas qu'a dormi. Troisième vie toujours mauvais, les filles là toujours cataf. On sav sans ni pour faire, fait pas elle qui redécise la cagadere la katoune. Même les soleils qu'a couché, on pas qu'a dormi. Troisième vie toujours mauvais, les filles là toujours cataf. On sav sans ni pour faire, fait pas elle qui redécise la cagadere la katoune. Même les soleils qu'a couché, on pas qu'a dormi. Troisième vie toujours mauvais, les filles là toujours cataf. On sav sans ni pour faire, que pas elle qui redécise la cagadere la katoune. Mais les soleils qu'a couché, on pas qu'a dormi. Troisième vie toujours ouvert, l'esprit là toujours cataf. On sav sans ni pour faire, que pas elle qui redécise la cagadere la katoune. Mais qu'est-ce que tu dis? Quoi, tu te la racontes, mais qu'est-ce que tu dis, Ramsky? Quoi, tu te la racontes, mais qu'est-ce que tu dis, Ramsky? Quoi, tu te la racontes, mais qu'est-ce que tu dis, Ramsky? Oh! Quoi, tu te la racontes, mais qu'est-ce que tu dis, Ramsky? Quoi, tu te la racontes, mais qu'est-ce que tu dis, Ramsky? Quoi, tu te la racontes, mais qu'est-ce que tu dis, Ramsky? Quoi, tu te la racontes, mais qu'est-ce que tu dis, Ramsky? Oh! J'ai mes projets, laisse les projecteurs, est-ce que ça s'anime ou quoi? J'suis le fils de personne, start en rêve, moi je veux juste faire parler de moi quand la pression monte. Arrache-toi, je trim jusqu'au sommet, viens pas me pourrir la vie sinon. Ramsky c'est mon nom sinon, ça va bien jusqu'à demain, ouvre les deux mains. Et oh j'ai l'armada dans mon dôme, ça s'anime, j'ai la rime qui blesse. Si t'as le stress, laisse ta place, on ramasse. En soirée t'as osé faire face, le monde est à la masse. Dans mon dôme comme notre son fait oh. Vendôme quand mon téléphone sonne c'est oh. 24 heures avant de partir, pour meilleur ou pour le pire, juste laisse une place quand... Dans mon dôme, les chats qui cassent des verres un peu morpilo. Ma clique va te pilonner, rip à au nez. T'as la bouteille enfoirée, mais qu'est-ce que t'as dit mon flow? T'as envoyé sur un îlot à l'kilomètre. T'es pas ma tempête, la tempête, Ramsky, hey. Quoi, tu te la racontes, mais qu'est-ce que tu dis? Quoi, tu te la racontes, mais qu'est-ce que tu dis, Ramsky? Quoi, tu te la racontes, mais qu'est-ce que tu dis, Ramsky? Quoi, tu te la racontes, mais qu'est-ce que tu dis, Ramsky? Oh! Quoi, tu te la racontes, mais qu'est-ce que tu dis, Ramsky?

personne sur les booms. Du coup le son s'écoule et boum de quoi. Du coup le son se déroule. J'affoule ma banlieue en passant par les babas cool. Cool, y'en a qui portent le voile même des cacoules. Ma musique roucoule, décale parce que j'écoule. Boum, billy bye, le flow à l'ancienne soul. Scandale, il faut que tu bouges comme au carnaval. Il faut que j'entende une bouche vocale. Eh ah, mon son c'est de la balle. Oh oh, plus de plus qu'à la normale. En rafale, t'y mal, le boom festival. Eh ah, entends ce boom brutal. Et je crois, je vois, je que mon rouage déplace les nuages. Et dois-je faire le ménage? Je vote au suffrage, le résultat me rend hommage. Vas-y, gesticule, pas, pas ridicule, jusqu'à péter les rotules. Ma formule, danse, danse, je stipule. Pas d'arrêt complet avant le crépuscule, pas de scrupule. C'est danse, danse, vas-y, gesticule, pas, pas ridicule, jusqu'à péter les rotules. Ma formule, danse, danse, je stipule. Pas d'arrêt complet avant le crépuscule, pas de scrupule. C'est danse, danse. Je vis de cette métropole en mâchant mon chewing gum en tol. Je suis les mégalopoles et la musique est mon symbole. Je m'envole, décolle et cette musique que tu raffoles. Ma farandole, je la fais sans horloge ni boussole. Ma farandole, je la fais sans horloge ni boussole. En constance, les gens dansent. En conséquence, ma naissance. Attention, prudence, et voilà la turbulence. Le boom, ma résistance. Attention, on recommence. En constance, les gens dansent. En conséquence, ma naissance. Attention, prudence, et voilà la turbulence. Le boom, ma résistance. Attention, on recommence. Vas-y, gesticule, pas, pas ridicule, jusqu'à péter les rotules. Ma formule, danse, danse, je stipule. Pas d'arrêt complet avant le crépuscule, pas de scrupule. C'est danse, danse, vas-y, gesticule, pas, pas ridicule, jusqu'à péter les rotules. Ma formule, danse, danse, je stipule. Pas d'arrêt complet avant le crépuscule, pas de scrupule. C'est danse, danse. Vas-y, gesticule, pas, pas ridicule, jusqu'à péter les rotules. Ma formule, danse, danse, je stipule. Pas d'arrêt complet avant le crépuscule, pas de scrupule. C'est danse, danse. Et ceux qui considèrent l'amusement comme un adversaire, sachez qu'on peut rigoler l'été comme l'hiver. Ce que je vous propose, c'est pas de faire une ronde autour de la terre. Dis mal, amuse-toi et considère c'est nécessaire. Vas-y, gesticule, pas, pas ridicule, jusqu'à péter les rotules. Ma formule, danse, danse, je stipule. Pas d'arrêt complet avant le crépuscule, pas de scrupule. C'est danse, danse, vas-y, gesticule, pas, pas ridicule, jusqu'à péter les rotules. Ma formule, danse, danse, je stipule. Pas d'arrêt complet avant le crépuscule, pas de scrupule. C'est danse, danse, vas-y, gesticule, pas, pas ridicule, jusqu'à péter les rotules. Ma formule, danse, danse, je stipule. Pas d'arrêt complet avant le crépuscule, pas de scrupule. C'est danse, danse, vas-y, gesticule, pas, pas ridicule, jusqu'à péter les rotules. Ma formule, danse, danse, je stipule. Pas d'arrêt complet avant le crépuscule, pas de scrupule. C'est danse, danse. On est dans le money time, on pose contre la montre. Je te le dis, quartier rouge c'est nous contre le monde. Depuis le temps on est des murs mais on n'a pas honte. Quartier rouge c'est nous contre le monde, ouais. Le cas suivi du R, le R précédé du cas. Le recto à son verso, vice versa. On n'est pas les frères d'Eric ni des enfants terribles, juste des hommes. Commencer adolescent 25-30, toujours à fond dedans. Les galères diverses nous ont pistés. Suivez à la trace comme si le rap biz nous avait pucelé. D'où c'est la drogue de Corso fort et mon alcool. J'aime la casse forever, 9-4. Les coups du sort, les conflits internes, jalousie extérieure. Les producteurs mythos qui montent comme des baveux. Les projets à balles de mixtape ou compil foireuse. Les DJ qui se la racontent, plein de sperme dans la bouche. L'industrie du disque, c'est le terrain de jeu de ces enfants de partout. Qui revendiquent la rue mais dans la rue sont nulle part. On enregistre contre la montre, on a l'habitude de charbonner dans l'urgence, à bouffer le bitume, avoir le temps de réaliser son œuvre, contre mon gré, contre le tien. Quand les épreuves changent ta personne, n'essaie pas de convaincre un clochard qu'il s'en sort bien. Chacun dans sa matrice, même bail, même butin. Choqué par la mort d'un frère qui venait de se refaire. Quand il arrive, repose en paix, garde un œil sur les tiens. Une pensée pour les autres, j'aime pas citer les places. Ceux qui me connaissent les connaissaient, tout le monde se connaît. Quartier rouge parcours, cours, cours. Le K suivi du R, Ray. Le R précédé du K. Le verso à son recto, vice versa. SRI Corso dans le monétaire. 9-4, 9-7-4, 9-9-224. Val-de-Marne, l'île de la Réunion. La Guinée-Conakry, l'arme et les munitions. le four et la lame. Drums à la grigole de la drogue plus artisanale. On vient à deux, on part à deux, ni en avance ni en retard. On arrive dans les temps, pour ça ils ont la rage. Un métis, un négro, deux crânes chauves après réalité. On te laisse le reality show rempli de fiction. Chez quartier rouge, ça fait 10 ans, officiellement, officieusement 2 ans que j'ai ma chef sur le champ. Si je mange, je te parle franchement. Si ça passe pas, chitant. On a tout donné dans notre pays, victoire ou défaite. Garde la tête haute, tu veux savoir qui est qui. SRI, Corso alias personne, voilà nos places dans le binôme. C'est le meilleur et c'est le pire, c'est ça nos places dans le binôme. Arctrax style, tu vas boire la tasse ma mignonne. Ouvre grand la bouche, ah, faut que ton quartier bouge. C'est le quartier rouge, quartier rouge, quartier rouge. Conçu pour détruire et pas pour durer. L'escroquerie va fonctionner, tu vas en mourir de rire. Le premier te monte en l'air et le second te démonte. Le cas suffit du R, installation des flammes. J'ai inventé quelqu'un, j'ai quelconque, on m'appelle personne. Vu que personne n'est parfait, à mes amis, à mes ennemis, moi j'oublie personne. Juste une personne parmi des personnes. Je balance ma vérité qui blesse la personne. Vu que je prends de l'âge normal, que je parle comme une personne. Je précise car la savane, sans doute pas le faire. Nous on change de monde, mec. Soit la personne riche, pauvre, insurgée. Moi je respecte toutes les personnes. Au premier rapport, je veux savoir connaître, apprendre. Je t'ouvrirai mes bras si ton âme n'est pas à vendre. Moi je change le monde car chaque jour je donne de l'amour. Aux jeunes, aux vieux, aux hommes, aux femmes, aux cailles, en bas de ma tour. Cesse d'être agressif envers tous les individus. La société en sera grandie après tous ces sondus. Devant nous les bails à fond, le positif nous inonde. Chaque fois que nos voix grondent, elle chasse nos mauvaises ondes. Nous on change le monde, là on change le monde. Nous on change le monde, nous on change le monde. Les bails à fond, le positif nous inonde. Chaque fois que nos voix grondent, elles chassent les mauvaises ondes. Nous on change le monde, nous on change le monde. Nous on change le monde, nous on change le monde. Chaque fois que je prends micro et que je prends position, chaque fois que j'ai une idée et que j'en fais une proposition, chaque fois que je défends les causes et que je donne mon opinion, je change le monde quand je ne peux pas le pognon. N'écoute pas les faibles qui te diront que rien ne change. Ne rien dire, ne rien faire n'est pas la vertu, les songes. Être un mouton dans le troupeau, moi ça me dérange. Je change les conditions de travail quand je boycotte Orange. Si on continue d'accepter d'aller dans leur sens, si l'on nomme utopie chaque acte de résistance, on finit par abandonner toute forme de défense. Plus tu la manges dans la main, plus tu crées ta dépendance. Ils appellent ça une démocratie. Tout ce que l'on possède est à crédit. Chaque information, ils l'ont choisi. Ils nous achètent et puis contrôlent nos esprits. Devant nous, les failles à fond, le positif nous inonde. Chaque fois que nos voix grondent, elles chassent nos mauvaises ondes. Nous, on change le monde. Nous, on change le monde. Nous, on change le monde. Nous, on change le monde. Devant nous, les failles à fond, le positif nous inonde. Chaque fois que nos voix grondent, elles chassent nos mauvaises ondes. Nous, on change le monde. Change le monde, nous on change le monde, nous on change le monde. Quand je canalise ma haine afin d'éviter le drame, je relativise ma peine, je préfère essuyer tes larmes. Quand je suis pour la sincérité plutôt que d'user de mes charmes, je change le monde quand je prône la parité homme-femme. Chacun de mes mots, chacun de mes actes, chacun de mes flots provoque un impact, même si ça reste à mon niveau. Que je passe à l'attaque ou bien que je me rétracte, je ne laisse pas les choses intactes chaque fois que je fais ce qu'il faut. J'inculque des valeurs, des principes à mes enfants, qu'ils s'ouvrent à autrui, mais tout en restant méfiant. Quand je leur dis que tout être a droit à la dignité, tu crois qu'on peut pas changer le monde? Détache-toi, demande-toi si leur modèle est réellement fait pour toi. B6KNASRA, on fait le choix de s'unir pour être plus fort au combat. Nous les bails à fond, le positif nous inonde. Chaque fois que nos voix grondent, elles chassent nos mauvaises ondes. Nous on change le monde, nous on change le monde. Nous on change le monde, nous on change, change le monde. Devant nous les bails à fond, le positif nous inonde. Chaque fois que nos voix grondent, elles chassent nos mauvaises ondes. Nous on change le monde, nous on change le monde. Change le monde, nous on change le monde, nous on change le monde. Comme tu sais, Con il grosso auspicio da parte del sottoscritto, cioè Mr. Brunto, che la nostra selezione vi sia piaciuta, un grosso saluto a tutti quanti e alla prossima da un'altra Radio Roma. Représentant ta coignère, Didier Zoom, Maxime Fly, sur le micro, et DJ Jazzy Max, écoute bien ce son, je balance ce soir, c'est les limites représentées, baf, baf, baf, baf, baf, baf, baf, fais gaffe, gaffe, à passer les limites de leur territoire le soir, trou noir. Comme la DDDDX, je pète le tout, une explication, leur cagage, les coffres dans l'action, pour bien m'acharner. Sur cette bande de frustrés radicales, j'arrive comme une balle pour mon truc et mon fical cal. Le morceau saut, fucking flow flow. Je suis pas l'animatrice qui représente la météo. Je la représente et le voté pour un jour. Je serai pas pour rire. J'arrête mes délires, car le public c'est un fait. Faisons la réplique à la ligne des mires, la zigzi. Et le public, je m'emporte. J'ai trouvé des escorts, corps, faut des coups de balle. Faut de la fête de gros baby, écoute, c'est mon style. Faut des coups de balle. C'est d'abord baby, mais tout ton style, c'est DJ Zoo High. Je reviens comme un guerrier Marseille, parce que je marche sur la pagaille. Il faut des trous de balle, et tout mon style du désir. C'est d'abord de balle, j'écarte le coup de balle. De quoi à moi, je suis un guerrier Marseille, parce que je marche sur la pagaille. Yes, Kajo Mai, c'est mon style. DJ Zoo, tu fais la sainte séminaire high. Toujours dans le bon délire, avec DJ Fly. Toujours dans le bon micro, toujours dans le bon niveau. Toujours dans la sono, écoute mon son en stéréo. Je suis un escroc qui part et qui sort le calibre. Qui fait travail quand ça va mal. Tu sais, ici on n'a pas peur des petits coups de balle. Qui se la jouera à caille, ici on fait mal. Basta Jopo, Ina Basta, la papa la papa. Waka Posse et des ennemis pour le temps, la temps. Respect assuré pour toutou, mes potes à la panta. Hermano, t'as pas oublié les capotes à la panta. Madonna, un jeu de tes accus. Lololololo, si on prend, prend des calolololo. Maintenant la fini les radios. Gadododo, car ce sont enfilés et le tempo au bras. Maintenant la fini les radios. Gadododo, car ce sont enfilés et le tempo au bras. Les flammes de l'enfer, mais sache que sur ma cadam, je suis un damné, je suis un lâche, je suis condamné. Allez, tant d'années, je sais très bien que je viens t'enseigner l'art et ta manière armée de défourailler, de décaniller. Tu sais, si je suis un associé, fonce D au GHB. Tu sais, je suis pas un délinquant, mais je peux craindre, tu sais. Alors fais attention à toi et à ce que tu dis sur moi, car nous on est là. Et on vient tout ce qui se présente sur le passage macadam. Écoute un peu on brille en canon des canines. Tout ce qui se passe dans la passe passe comme une liasse. Écoute une fleur de lys se pose dans la rue et glisse un sourire. Il faut des trous de balles, il faut de la bête de gros baby. Écoute c'est mon style. Il faut des trous de balles, c'est de la beau baby. Écoute mon style, c'est DJ Zoo High. Il me faut des trous de balles, il faut de la bête de bon baby. Écoute c'est mon style. Il me faut des trous de balles, c'est de la bon baby. Écoute mon style, c'est DJ Zoo High. Wata Jopo, Ina Papa, la papa la papa. Waka Posse et des unis pour le top à top. Respect assuré, pour tout trouver, porte à la porta. Hermano, t'as pas oublié, car porte à la porta. Madonna, un jeu de tes accus, lololol. Bon, prends des calorettes. Maintenant, fini les résidus. Gato, car ce sont enfilés et le tempo. Maintenant, fini le résidus. Gato, car ce sont enfilés et le tempo. Coule la place, digne ta dame le roi. Prenez des dessus, car le feu est dans la place. Fais ta place à l'audace. Des mecs venus en masse, laisse encore bouger, sortez des lignes de passe. Quand ça tombe pas, il n'a pas ça à la porte. On va profiter des unies pour le top. Restez assurés pour tout mes portes. Écoute, moi je suis pas une salope. Moi j'ai la haïti zou. Pour mixer ce soir, il faut des trous de balles, il faut de la bête de gros baby. Écoute, c'est mon style. Il faut des trous de balles, c'est de la beau baby. t'écoute mon styliste. Il n'a pas besoin de la même chose. Ma capo si est désigné pour le temps, le temps d'un respect assuré. Pour tout tour, mais pas dans la panta. Et mal, t'as pas oublié qu'à prendre la panta, Madonna. Ah, c'était ça, culololol. Prends des canololol. Madonna, finis le reste du gâteau, tonton. Représentant Parcoignère, Didier Zoom, Maxi Fly, sur le micro, et si Jazzy Mass, écoute bien ce son, je balance ce soir, cette nuit trop représente. Yo, c'est Parcoignère, yeah, Didier Zoom, Maxi Fly sur le micro, cette nuit trop représente, si Jazz, micro d'argent. Ci avevano già fermati, ragazzi. L'estate inizia e già qua ci stanno condannando a rogo. Rogo. Chissà che vi sarete persi nel frattempo delle varie minchiate. Che noi ci stavamo preferendo addosso e sbrodolando l'uno contro l'altro. Ma l'unica cosa importante è che Mr. Campo sta alla cena delle medie e fra poco arriverà. Lui ha detto che alle 9:15 arriverà. Sì. Ha detto andate al ristorante alle 6. Ce la giura, sì, ecco quelli delle medie per forza, necessariamente stanno prendendo il caffè. Ma non era, scusa, la cena delle elementari? Sei sicuro che sono morti quelli delle elementari? No, quest'anno è stato promosso, ripeto, è passata alle medie, quindi è la cena con i compagnucci delle medie. Ma della prima media? Prima media, certamente. Oh, ho capito, lui accompagna il figlio alla prima elementare, poi lui va a scuola in prima media. Esattamente. Ho capito. Salutiamo tutti gli amici di Mr. Campo che stanno a cena con lui e se ci stanno ascoltandolo. Lo picchiassero. Se ci stanno ascoltandolo. Ascoltandolo. Lo prendessero. Sì. Rodio. Nartra Rodio. Nartra Rodio. Nartra Rodio.